rêve dans la fiole. Je sens mon corps qui n'est plus d'accord. Il perd le fil loin de son exil. Par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire dans le trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de château. Quelque chose de bancal dans son tempo. Le monde tourne mal. Dans la grande solo mondiale, ça sonne faux. Y'a des milliards de personnes qui la squattent, qui la sonnent, qui pensent sur. Mais chacun marque son rythme. Chacun veut chanter son hymne, on ne s'entend plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ooh, yeah. Let's dance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ooh, yeah. Let's dance. Le monde tourne mal. Il y a des parfums de scandale sur sa peau. Le monde tourne mal. Elle veut jouer les étoiles dans les journaux. Il y a des milliards de personnes qui lui pompent sur nos âmes, qui tapent dessus, qui la prennent pour une cible, qui lui balance la médecine, on ne s'entend plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ooh, yeah. Ooh, yeah. Let's dance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ooh, yeah. Ooh, yeah. Let's dance. Tu crois tout voir? Et quand on a fait le tour, on... Seguim amb música diversa. Això és Olala Music, aquest programa especial avui, només avui, de moment, en el qual escoltem artistes com Axel Red, amb la cantant belga, amb aquest Le Monde Tourne Mal del seu àlbum que ens va publicar el 1993, Sans Plus de Tango, i també en Herbert Leonard, a qui hem escoltat abans, en Chateau Vallon, des del 1985, i Amélie Laroque, amb Brown Sugar, una de les teves que també cançons que ens portava aquesta artista. Seguim amb Maurice Chevalier i Yvon Valet, amb un dels seus també extraordinaris temes que ens recorden. Però en aquest cas vull perdre'm els orígens de les primeres dels primers enregistraments de música francesa que es conserven. Aquest tema és del 1926. No perdem que això, doncs, gairebé té 100 anys d'història. A veure què tal sona. Si sona molt malament no el deixarem tot, que no? Mademoiselle, que ce que je fais est très mal et qu'on ne doit pas agir ainsi. Mais je vous assure que ça m'est équilatéral du moment que j'ai pu entrer ici. Vous voyez que mon moyen a réussi très bien. Moi, je fais mes coups en dessous. Comme ça, voyez-vous, je me faufile partout. Mais, soyez donc pour nous, c'est vilain comme tout, faire des coups en dessous. Si j'étais, faut bien le dire, rentré sans mentir, je me serais fait sortir. Et au lieu d'être là, songez à cela, je serais chocolat. Moi, je fais mes coups en dessous. Comme ça, voyez-vous, je me faufile partout. Mademoiselle, j'ai bien envie de vous prendre un baiser. Oh, je vous jure que ça me ferait tant plaisir. Alors, je le prends ou je le prends pas? Mais on nous regarde et vous devez supposer que cela me ferait trop rougir. Adoptez ma méthode. Elle est vraiment commode. Moi, je fais mes coups en dessous. Comme ça, voyez-vous, je me faufile partout. Dame, il faut débrouiller. Je veux bien essayer ce que vous conseillez. Gentiment, mon pira, on s'embrassera et personne nous verra. Vous pourrez me faire plaisir selon mon désir sans qu'on vous voie rougir. Moi, je fais mes coups en dessous. Comme ça, voyez-vous, je me faufile partout. Esteu escoltant Olala Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. J'ouvre la porte, laissant ma main sur la poignée. On ne sait jamais ce qu'il pourrait t'arriver. Tu sais, dehors, les hommes tombent avec la nuit. J'aimerais te protéger quand les chats seront gris. Je t'offrirai le nom des rues claires de la ville, t'évitant les coins. tant évité toutes ces promesses creuses. Mais tu feras comme bon te semble. Tu ne verras, aucune histoire ne se ressemble. Ne m'en veux pas si j'en fais plus qu'il n'en faudrait. Si malgré moi, j'aurai toujours l'âme aux aguets. Et même ensemble, j'aurai toujours le cœur qui tremble. Tu prendras des bateaux, j'attendrai ton retour. Tu feras des voyages qui voudront tourner court. Mais où que tu t'en ailles, je garderai intact ton départ dans mon cœur comme le dernier impact. Mon enfant, tu prendras ta vie à bras le corps. Je passerai la mienne à veiller sur ton sort. Aujourd'hui tu t'endors dans la chambre à côté, et je prie pour que rien ne vienne nous séparer. Mais tu feras comme bon te semble. Tu verras, aucune histoire ne se ressemble. Ne m'en veux pas si j'en fais plus qu'il n'en faudrait. C'est malgré moi, j'aurai toujours l'âme aux aguets. Et même ensemble, mais tu feras comme bon te semble. Et tu auras un peu la vie qui te ressemble. Ne t'en fais pas si je ne peux pas dormir en paix. C'est malgré moi, j'aurai toujours l'âme aux aguets. Et même ensemble, j'aurai toujours le cœur qui tremble. La música de Lara Fabian també ens acompanyava, és una cançó fantàstica aquesta, la cantant belga també, que havíem escoltat des del 2015, Ma vida ens la tient, era el disc que ens va publicar. Anem amb més música, estem avui en un programa, de tant en tant ens toca, perquè se'ns giren altres coses i hem d'oferir-vos un programa amb música doncs, variada, aleatòria, de música en francès. Espero que sigui del vostre gust i trobeu aquells artistes o aquelles cançons que us fan el pes. Des del 1973, aquesta cançó que ens acompanya a condició un grup francès prou famós d'aquells anys 70, que tenia la John Mogensen al capdavant, va morir ell en 1982, crec recordar. Només van realitzar 4 àlbums en el seu moment. Intent un foie era el títol del grup, i aquesta és la cançó que ens portaven, com dèiem, l'any 73. Després, Clara Luciani i Jean-Claude Anou. Comment t'habilles-tu? Est-ce un copain? Est-ce une amie? Moi je t'attendrai jusqu'à 10 heures, et peut-être une heure encore. Que fais-tu ce soir après dîner? Après dîner, j'aurais tant aimé. Et dans tes bras, après nous irons danser si tu veux, tous les deux. Réponds-moi, serai-je avec toi ce soir? Donne-moi dîner. Est-ce une amie? Moi je t'attendrai toute la nuit. Viens quand tu veux. Réponds-moi, serai-je avec toi ce soir? Donne-moi un peu d'espoir. Que fais-tu ce soir après dîner? Ils abordent la vie avec la même foi. Chacun guettant sa proie d'un égal appétit de jeunes loups. Les jeunes loups. Si vous tentez de les séduire, ils vous montrent les dents. Mais quand ils sourient, leur sourire est celui d'un enfant. Il ne faut pas les flatter de la main, ce ne sont pas des chiens. Ils gardent toujours leur fierté, même s'ils n'ont pour manger qu'un seul os à ronger. Ils aiment s'amuser, mais ne savent pas qu'ils jouent. Quand entre chien et loup, on les voit déguisés en loup-garou. Les jeunes loups, parfois leurs yeux s'allument quand passe une ingénue aux longs cheveux de lune qu'ils suivent dans la rue. Jeunes loups. Et bientôt dans leur cœur tout bouge quand ils se voient tremblants au bras d'un petit chaperon rouge qu'ils habillent de blanc. Ils se croient apprivoisés, installés dans un conte de fées. Mais rien n'est fini pour autant, car la vie les attend pour leur faire les dents. Pour que jeunesse passe, ou sans raison du tout, on leur dit tout à coup d'aller faire la chasse aux autres loups. Les jeunes loups, avec ou sans laurier, ils reviennent meurtris et peuvent réciter, même sans l'avoir appris, la mort du loup. Les jeunes loups, ah, alors ils arrêtent leur frasque et s'arrachent soudain le loup qui leur servait de masque. Et par un beau matin se retrouvent à la croisée des chemins, seuls devant leur destin, et prennent la voie de leur choix qu'ils poursuivent tout droit sans reculer d'un pas. Même si beaucoup d'entre eux vivent sans foi ni loi, cela importe peu. Ce qui compte pour moi, c'est qu'ils sont devenus des hommes, et qu'un jour parmi eux, il s'en trouvera deux. Esteu escoltant Ulala Music. Doncs sí, esteu escoltant Ulala Music amb Clara Luciani, també en Jean Claude Hanau, com us en dèiem. I ara una cançó que ens portava la Franz Gall. Tot el món canta, d'amor també. Així sona la seva música amb el nostre programa. Programa de música en francès. Tout d'un coup, où la tête comprend tout, le cœur se remet debout. Avec le temps, comme dans Cervantes. Je l'ai su quand tu m'as fait la cour. Je le sais depuis le premier jour. Tu me laisseras, tu me laisseras. Ma peine en vaut tous les détours. On connaît la fin mais le cœur est sourd. Tu me laisseras, tu me laisseras. On m'a dit l'amour ça fait mal. Mais qui veut d'une vie normale. Tu me laisseras, tu me laisseras. Je ferai mais le cœur s'envole. Oh je le sens tu vas faire du sale. Tu me laisseras, tu me laisseras. Moi je vis l'instant, j'y crois encore malgré le temps, nos désaccords. Mais toi tu viens, tu prends, tu restes à toi jusqu'au jour où tu me laisses. Tu me laisseras. Je ne sortirai pas indemne, je le sais, c'est tout le problème. Tu me laisseras, tu me laisseras. Cet écrit, je l'ai lu sur ta peau. Tu le caches comme on cache un défaut. Mais tu me laisseras, tu me laisseras. Puisque tout va finir en drame, et qu'à trop jouer, on se crame. Tu me laisseras, tu me laisseras. On passera les saisons. Tu verras, j'avais raison. Tu me laisseras. Tu te lasseras. Moi je vis l'instant, j'y crois encore malgré le temps, nos désaccords. Mais toi tu viens, tu prends, tu restes à toi jusqu'au jour où tu me laisses. Tu me laisseras. Que va començar la seva carrera anys enrere, aquesta cantant de Rhythm and Blues i que ens portava la seva música, les seves cançons. Va començar com a cantant per rapers com Mafia Fry, com Dado, com Nashville, com Pete Bacardi, com altres, però que després ha començat la seva, o va començar la seva carrera en solitari. Aquesta cançó que escoltàvem de l'Evità era del 2018, d'un àlbum que es va publicar al setembre d'aquell any i que es deia Just Me, Myself and Moment, i que era el Tomé Lassagà, aquest tema que acabem d'escoltar amb els nostres oients. La Java Dodon amb Jean Gavin, amb Mistinguet, una cançó del 2006. De fet, aquest és un recopilatori que es deia Vive la Chanson, que visca la cançó, perquè en Jean Gavin va néixer el 1904, va ser heroi de guerra francès, destacat actor, i va morir el 1976. Va néixer a París, amb el nom de Jean Alexis Moncorre. Leur faux délicates en soi, des perloutes, ma chère. Ils mangent comme des rois, sans y mettre les doigts, leur moule marinière. Oh, ce qu'ils font l'Imagne, pour boire du champagne, mais pour nous vraiment, n'en faut pas tant. Pour être heureux, pas besoin d'argent, pour dire on, nous à deux on fait la fête. Bien enlacé et si gentiment pour danser, on s'en va au bal. Des petites saucisses qu'on mange à belles dents, ça vaut bien le foie gras et les écrans.

doncs acabem. Salutacions de Rafael Corbí, aquest programa que avui us hem hagut de portar d'aquesta manera. Espero que almenys us hagi acompanyat bé i us hagi agradat la selecció musical. Adamo, amb aquesta cançó, i ta paraula, la teva paraula amb Leo Ferrer, les teves paraules, cançons destacades en el seu moment del món de la música francesa. Serà fins ben aviat. A reveure. Ça fera guincher ta musique économique pourra l'habiller chez la môme à langue verte ou bien chez Littré. Ta parole, ma parole, ça fera briller des yeux. On pourrait dire des mirettes, des quinquets qui se mettent en fête. On pourrait dire en tenue de soirée des yeux. On pourrait dire la taverne s'enivre l'enivergle. On pourrait dire les lanternes où mon ombre s'en va gueusant tellement. Ta parole, ma parole, à froid toute nue, ta musique économique lui brode un fichu en do dièse, que ça plaise ou non c'est réglé. Ta parole, ma parole, ça fera vibrer des voix. On pourrait dire des violoncelles ou des hautbois ou des crécelles. On pourrait dire n'importe quoi, des voix qui vont sous la ramée ou qui vont sur la mer calmée. On pourrait dire qui sait quoi, la voix du diable ou d'un enfant chantant. Ta parole, ma parole, dessous de papier, ta musique économique, un disque essayé, et sur les ondes fécondes, fleurs éparpillées. Ta parole, ma parole, ça fera chanter des gens qui rient, des gens qui rêvent, ceux qui sourient lorsque s'élèvent d'une radio un air copain, des gens qui s'en vont sous les limonaires, sous les platanes ou les chimères. On pourrait dire dans la rue et qui chante la bienvenue